C'est fou à l'UQTR. R. 89. Bonjour à vous, merci d'être avec nous pour CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. C'est la dernière émission de CNX.zip aujourd'hui. Hein. La session se termine et on va terminer ça aujourd'hui avec du chiptune et de la musique de jeux vidéo, ou inspirée par les jeux vidéo, ou n'importe quoi qui a rapport avec les jeux vidéo. Ça va être pas mal ça aujourd'hui. Tu sais, pour finir sur une bonne note et finir contraire complètement à notre mission qui était de regrouper et compresser les chroniques CNX d'assemblage requis, c'est pas comme si on avait des tonnes en ce moment. Hein. Donc aujourd'hui, la suite de notre série en concert Overclocked Remix Presents Donkey Kong Country 2 Serious Monkey Business. C'est avec ça qu'on va commencer l'émission. Cette belle petite collection qui regroupe plein de pièces faites par la communauté. Donc il y a des gens qui aiment le jeu Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest sur Super Nintendo. On va terminer le premier CD, il y en a trois en tout. Le premier s'appelle Diddy, le deuxième Dixie, et il y a un disque bonus avec deux pièces qui s'appelle Cranky Bonus. Donc on va terminer le premier CD, et puis un jour, un moment donné, parce que vous savez que la fin de CNX est toujours temporaire, hein? Ça revient toujours à un moment donné, cette affaire-là. Donc on écoute tout de suite la 11e pièce, The Apes of Wrath, basée sur Bass Bassa Nova, remixée par Zyko au 89 FM. C'est fou. Jay Pretzel et Welcome to the Funky House, basé sur Funky the Main Monkey, la pièce dans Donkey Kong Country 2 d'Elise Conquest. Avant, on a entendu Bossa Nova, remixé par Zyko. Et là, la nouvelle pièce, donc remixée, s'appelle The Apes of Wrath. Il nous reste deux pièces à entendre sur le premier CD. Tout à l'heure, on va entendre Fishy et Nicole Adams. Mais avant ça, regarde un petit peu ce qui se passe sur l'Internet cette semaine. Hein, selon Yahoo Québec, les mots-clés les plus recherchés sur le web. En 10e, on retrouve l'actrice Melanie Griffith. En 9e, l'actrice Marie-Josée Croze. En 8e, Cabine Bronzage. 7e, l'actrice Kristen Stewart. En 6e, Exercice Fessier. En 5e, l'actrice Tara Reid. En 4e, les Canadiens de Montréal. En 3e, l'actrice Karine Vanas. En 2e, Michael Jackson. Et en première position du palmarès des mots les plus recherchés sur Yahoo Québec, c'est Jour de la Terre, parce que oui, c'est aujourd'hui le Jour de la Terre. Côté jeux vidéo et clubs vidéo, donc les jeux les plus loués dans les clubs vidéo. 10e position, c'est Heavy Rain sur PlayStation 3. En 9e, Army of Two, The 40th Day sur Xbox 360. En 8e, Call of Duty Modern Warfare 2 sur Xbox 360. En 7e, Just Cause 2 sur PS3. En 6e, God of War 3 sur PS3. En 5e, Battlefield Bad Company 2 sur PS3. En 4e, Just Cause 2 sur Xbox 360. En 3e position, Battlefield Bad Company 2 sur Xbox 360. En 2e, New Super Mario Bros. Wii sur la Nintendo Wii. Et en première, le jeu le plus loué dans les clubs vidéo la semaine dernière était Tom Clancy's Splinter Cell Conviction sur Xbox 360. Voilà qui est dit. Retournons à notre collection sur Donkey Kong Country 2. C'est la compilation Overclock Remix Presents Donkey Kong Country 2 Serious Monkey Business. Donc c'est la communauté qui, comme ça, s'est amusée à refaire les pièces de ce jeu-là dans peu importe le style. Vraiment, chaque pièce ne ressemble pas nécessairement tant que ça à la pièce originale du jeu. C'est vraiment très, très libre comme façon de faire. Vous pouvez télécharger la collection au complet en torrent ou en MP3, pièce par pièce, avec la pochette pour faire votre propre CD sur dkc2.ocremix.org. On va l'entendre, les deux dernières pièces du premier CD. Je vous rappelle qu'il y en a trois. Donc, tout à l'heure, on va entendre A New Place, basé sur Hot Head Bop, remixé par Nicole Adams, featuring MJ Alt et Starla. Mais on débute avec la 13e pièce de cette collection. Voici Beneath the Canopy, basé sur Forest Interlude, remixé par Fishy tout de suite. Au 89.1 FM, c'est fou. C'est CNX.zip. Je croyais vraiment qu'après l'expérience du premier CD sur Donkey Kong Country, l'hommage qui s'appelait Kong in Concert, que les gens apprendraient que quand tu rajoutes des paroles sur une chanson de jeu vidéo, comme ça, des fois, ça peut être un petit peu quétaine. À peine. Mais bon, ça n'est pas si pire que ça, mais quand même, ça amène un côté quétaine un peu à la chose. J'aime un petit peu moins cette pièce-là. Mais bon, je vais vous raconter l'histoire quand même de ce tableau-là, parce que, bon, la pièce s'appelle A New Place, basée sur Hot Head Bop, remixé par Nicole Adams, featuring MJ Alt et Starla. Bref, Hot Head Bop, c'est dans le tableau dans Donkey Kong Country 2 où on se promène sur des petites montgolfières, dans un tableau où il y a de la lave en bas. Donc, quand tu montes sur un ballon, ça t'emmène vers le haut. Donc, c'est pour ça que les paroles parlent, genre, envolons-nous ensemble vers un... Bon, bref. Skaten. Avant, c'était Beneath the Canopy, basé sur l'original Forest Interlude, remixé par Fishy. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger la collection complète Overclocked Remix Presents Donkey Kong Country 2 Serious Monkey Business sur dkc2.ocremix.org. C'est vraiment fantastique pour les fans de ce jeu vidéo-là sur Super Nintendo qui me rappelle tant d'ont les souvenirs. On vient de terminer le premier CD qui s'appelle Didi. Il y en a un deuxième qui s'appelle Dixie. Je vous invite à aller l'écouter. Et le troisième s'appelle Cranky. On aura l'occasion, j'en suis sûr, un jour d'écouter ces pièces-là ici dans une variante de CNX. Un jour, assez fou. Bon. Émission qui change de peau une fois de temps en temps, hein? Voilà, cela étant dit, on a terminé pour la série pour l'instant sur Serious Monkey Business. On retourne à de la musique chiptune naturellement. C'est notre créneau musical depuis quelques années de passer de la musique inspirée ou créée à partir de consoles ou de puces de consoles de jeux vidéo. Edbitcollective.com est le site où pas mal tout se passe côté chiptune pour moi en tout cas parce que je trouve que c'est vraiment une communauté merveilleuse où les gens peuvent poster leur propre musique qu'ils ont créée comme ça. On va écouter comme on le fait souvent le palmarès donc dans l'ordre des pièces les plus aimées la semaine dernière. On va entendre tout à l'heure la position numéro 2 qui est Flame Repellent Family Tracker par l'artiste Fear of Dark. Mais on commence avec la position numéro 1. Voici Robo Roach Live par Darius Carlin au 89.1 FM. C'est fou. Robo Roach Live, donc performé en direct devant public avec des consoles de jeux vidéo. C'est très geek. J'adore. dash.com. La seule radio musicale. CLX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Vous êtes toujours à CLX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Et avant la pause, on a entendu Darius Carlin avec Robo Roach Live. C'est la position numéro 1 du palmarès 8-Bit Collective, donc de la musique chiptune envoyée par la communauté. Ça vient de son album Live qui a été enregistré devant public, évidemment, à deux. Mais il est aussi sorti sur CD. C'est des KR, en tout cas, il y a quelques jours. Et si vous voulez, vous pouvez télécharger aussi la collection au complet gratuitement sur assemblagerocky.com. Allez chercher le lien Robo Roach Live dans la fiche CNX de cette semaine. Donc, CNX numéro 29, CNX.zip, bien sûr. Voilà, maintenant, on va entendre une autre pièce de chiptune, la position numéro 2 du palmarès 8-Bit Collective. C'est l'artiste Fear of Dark. Voici Flame Repellent Family Tracker au 89.1. Ah, c'était bon, ça. Sheerbun avec Starlight. C'est la position numéro 3 du palmarès SaintBitCollective.com. C'est une pièce qui est écrite là, comme ça, avec des plugins de puces de jeux vidéo. En fait, c'est des plugins sur un ordinateur. Parce que, bon, faut que je vous explique quand même que le chiptune, d'habitude, à la base, c'est supposé être créé à partir de puces de consoles de jeux vidéo. Le mot, ça. Mais c'est pas mal large comme terme ici à CNX. C'est pas mal d'autres gens utilisent pour décrire de la musique qui sonne comme des jeux vidéo. Et ça, ça l'est. Un style chiptune. Avant, c'était Flame Repellent Family Tracker par Fear of Dark. Le gars vient de terminer cette pièce-là. En fait, tout le monde parlait du c'est quoi, c'est un plugin Family Tracker. Donc, il a joué avec ça en utilisant une puce d'une Konami VRC6. C'est sa première chanson complétée à l'aide de Family Tracker. Il dit que c'est pas aussi bon que ses autres chansons, mais essayez de l'écouter puis voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, allez trouver Fear of Dark sur edbitcollective.com pour entendre d'autres de ses pièces qui sont pas mal plus mod plug. De TCLX.Z où on écoute de la musique de jeux vidéo ou inspiré par les jeux vidéo jusqu'à la fin, jusque pour les dernières 20 minutes là, de la session comme ça. C'est la dernière de CNX.Z en ce moment, pour l'instant. On verra bien à un moment donné si l'émission revient. Pour l'instant, cet été, je vais animer Assemblage requis et les palmarès, c'est fou, donc je pense que c'est assez pour l'instant. Parlons des nouveautés en jeux vidéo cette semaine, pour la semaine du 18 avril 2010. Sur Nintendo Wii, il y a Monster Hunter Tri qui est sorti le 20 avril. Sur PC, le puzzle The Misadventures of PB Winterbottom, c'est coté 7.5 selon GameSpot. Ça a l'air pas mal génial. Ça, j'ai vu des vidéos de ça. Ça a l'air cool. Afterburner Climax sur PlayStation 3 sortait le 21. C'était un simulateur de combat. Mega Man 4 sort sur Nintendo Wii. En fait, c'est sur le Wii. C'est pas WiiWare, ça? Enfin bon, c'est un vieux jeu qui ressort sur la Wii Virtual Console. Voilà. Harvest Moon Hero of Leaf Valley sort le 23 avril, donc demain. C'est l'histoire d'une petite fille qui doit travailler ensemble pour se sauver de la destruction. Blood Bowl sort aujourd'hui même. C'est un jeu de sport alternatif. C'est dans l'univers de Warhammer. Donc, c'est un jeu de sport avec Warhammer autour. Windy X Windham sortait hier. C'est basé sur une série d'animés japonais. C'est un jeu de combat en 2D. Voilà, qui utilise les deux écrans de la Nintendo DS, parce qu'il faut dire, c'est sur Nintendo DS. Dans les arcades Xbox 360, donc sur l'Xbox 360 Arcade, voilà. C'est pas mal, une fois remis dans l'ordre, c'est pas les arcades, c'est l'arcade de l'Xbox 360. Ça sortait hier, c'est Puzzle Chronicles. Voilà, c'est un jeu de rôle, barre oblique puzzle. All-Star Karate sort sur Nintendo Wii. C'est un jeu de sport alternatif, lui aussi. En fait, on suit la vie d'un jeune novice des arts martiaux qui essaie de sauver un vieil homme d'un paquet de ninjas et ça l'amène face à face à un vrai maître du karaté, dit-on. Sur PC, Lord of Ultima, qui est un jeu massivement multijoueur. Voilà. Beat City sort sur Nintendo DS depuis, en fait, sorti le 20 avril. Ça combine le plaisir d'un jeu de rythme basé sur combiné avec une histoire de révolution et d'amour. Un peu de misère à mettre les mots dans l'ordre aujourd'hui. Surviving High School sort sur DSiWare. C'est un jeu de stratégie. Destiny Online Glory of the Tribe sort sur PC. C'est un jeu de rôle massivement multijoueur. Game & Watch Donkey Kong Jr. sort sur DSiWare. Ça, c'est quand ils refont les jeux de Game & Watch. Là, c'est l'ancêtre du Game Boy. On jouait sur un écran noir et blanc qui se passait pas grand-chose, mais c'était bien amusant quand même. Bref, ils ressortent ce jeu-là, Donkey Kong Jr. de Game & Watch sur DSiWare. Donc, ça, c'est si vous avez une Nintendo DSi ou une Nintendo DSi XL, vous allez pouvoir aller sur le petit magasin en ligne et télécharger ce jeu-là contre les points Nintendo. Bon. Même chose pour du côté de la Wii, cette fois-ci, dans le système WiiWare, donc qui est la même chose, mais pour la Nintendo Wii, c'est Bang Attack, un puzzle casual, donc un casual game, ce que ça veut dire en français, c'est un jeu où on joue à des petites shots à la fois à l'argent. C'est pas un jeu où on s'implique vraiment tant que ça, c'est comme un genre de bijoule, mettons, c'est un petit jeu facile qu'on joue et qu'on passe le temps avec ça. Bon, Bang Attack, ça sortait le 19 avril. Combien dire de mots pour dire si peu de choses? C'est les nouveautés en magasin et ailleurs où vous procurez vos jeux vidéo pour la semaine du 18 avril 2010. Vous êtes à CLX.Z, puis il nous reste une quinzaine de minutes maintenant. Après ces nouveautés, on va passer comme 5 minutes là-dessus. On va retourner en chiptune, entendre, en fait, un bloc doublon. J'aime ça des fois passer deux pièces d'un même artiste, et j'aime bien Henry Home Sweet. Donc, on va l'entendre tout à l'heure avec la pièce Low Bit Basement No. 5, qui est une assez longue pièce. Mais on commence par une pièce qui s'appelle Toaster, toujours de Henry Home Sweet. Ça se passe maintenant, dans les prochaines secondes, à CLX.Z sur C'est Fou 89 FM. We'll be right back. Henry Home Sweet. Avec Toaster à CX.zip. Il nous dit pour... oui, ben c'est ça, Toast. Pour faire une histoire courte, il nous dit... cette chanson parle de rôti. Voilà, la pièce, c'est Toaster par Henry Home Sweet. Je vous ai promis un bloc double, donc c'est ce qu'on va faire. Par contre, je préfère revenir avant, parce que sinon, on va défoncer un peu dans le dîner de con, puis je voudrais pas faire ça. Donc, restez à l'écoute pour le dîner de con avec Danny Janvier et André Baudet en quelques minutes à peine. Ça va être leur dernière à eux aussi. Nous, ça va être la dernière de l'édition francophone des palmarès C'est fou à 13h. Je vais être de retour donc à 13h. Et même chose à 15h pour Assemblage Requis. Ça va être la dernière avec Key One et toute l'équipe. Donc, soyez-y. On se quitte, comme je le disais, avec Henry Home Sweet et Low Bit Basement Number 5. En fait, c'est Basement comme Basement, comme un jeu de mots avec... C'est comme très école Mathieu Plante, Académie Mathieu Plante, Basement, la base. Bref, on se quitte là-dessus. Bon dîner de con, à tout à l'heure à 13h. Et un moment donné pour un autre CNX, peut-être un jour, on sait pas. Bye. Cash.com